Ma ville en mouvement, page 18. Apaiser la vitesse dans le centre-ville. En 2013, l'agglomération, dont Château-Gontier-Bazouges, s'est dotée d'un schéma directeur des liaisons douces. Celui-ci regroupe les pistes cyclables, les véloroutes, les voies vertes, les sentiers de randonnée. Suite à l'apparition du décret du 2 juillet 2015, qui vise à adapter les règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes, une réflexion sur les circulations dites apaisées aux abords du centre-ville a été conduite afin d'étendre le plan de modération des vitesses. Cette démarche a été menée en suivant les préconisations du CEREMA. Note, CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Ils permettent à la commune de disposer d'un appui scientifique et technique renforcé pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer les politiques publiques de l'aménagement et du développement durable. Fin de note. Deux propositions ont été approuvées lors du conseil municipal du 30 mai 2016. L'élargissement du plan de zonage 30 km/h et ainsi que la mise en place réglementée du double sens cyclable dans cette même zone. Le casque désormais obligatoire pour les enfants à vélo. Le 22 mars, les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers d'un vélo, doivent obligatoirement être munis d'un casque attaché. Le décret paru au Journal officiel suit les recommandations du Comité interministériel pour la sécurité routière, CISR, qui avait prescrit une telle obligation pour les enfants en octobre 2015. Le texte précise que si le conducteur du vélo est un adulte, c'est lui qui doit s'assurer du port du casque par l'enfant transporté. Même chose dans le cas où un adulte accompagne un ou plusieurs enfants à vélo. Si les forces de l'ordre constatent le non-respect de ces dispositions, elles pourront sanctionner l'adulte d'une amende de 4e classe, 135 euros. Une femme à vélo circule dans les rues de Château-Gontier. Une seconde photo présente un panneau « Piste cyclable ». Ma ville en mouvement, page 19. La zone 30 km/h. Précédemment, la zone 30 km/h était appliquée dans l'hyper-centre-ville. Depuis le mois de juin, les élus ont souhaité étendre ce dispositif sur d'autres axes, 15 nouvelles rues, et principalement aux abords des écoles. C'est aussi le moyen d'inciter les gens à arriver sur des vitesses apaisées dans le centre-ville, explique Ronald Corvet, adjoint au maire en charge de l'aménagement urbain. L'adjoint ajoute « C'est en complément des plateaux traversants déjà existants sur le boulevard Carnot. Une rue n'est pas une route. L'automobiliste en transit doit adapter sa conduite en conséquence. Afin de signaler les nouvelles zones à 30 km/h, l'achat de panneaux d'entrée de zone avait été budgétisé sur 2016 et ces derniers ont été installés pour être opérationnels en octobre dernier. Ce premier déploiement donne le départ à la duplication des zones 30 km/h sur le reste de la ville dans les années à venir. Le double sens de circulation pour les vélos. Lors des études réalisées par le cabinet Indigo, pour le schéma directeur des liaisons douces de l'agglomération, celui-ci avait relevé que les déplacements à vélo dans la zone urbaine étaient deux fois plus importants que la moyenne nationale. La collectivité a donc décidé d'accompagner ses utilisateurs et de développer ce mode de déplacement sur son territoire en autorisant la circulation à double sens dans toutes les voies à sens unique à 30 km/h. Le double sens cyclable permet aux cyclistes d'emprunter l'itinéraire le plus court, précise Ronald Corvet. Depuis la mi-octobre 2016, la ville a installé de la signalétique horizontale, peinture au sol, accompagnée de panneaux, pour signaler aux automobilistes la possible utilisation de la voie en contresens par les vélos. Seule la grande rue, au vu de son dénivelé et donc de sa dangerosité, n'a pas été autorisée. Ces changements de comportement doivent permettre aux usagers de mieux partager l'espace public, dans le respect mutuel, tout en suivant les règles du code de la route. Une première photo, montre une cycliste circulant dans une zone à 30 km/h. Une seconde photo montre la signalétique au sol, autorisant seulement les cyclistes à circuler en contresens des voitures.